Égypte, 23 septembre 93. Petit séisme de rien du tout. 20 000 morts en 60 secondes. Des corps entiers écrabouillés par des immeubles écroulés. Jésus, où étais-tu lors de cet incident bête? Alors on te priait, on te criait, ne serais-tu pas un peu rancunier? New York, 11 septembre 2001. Énorme attentat meurtrier. 2800 morts innocents. Des milliers de tonnes de débris. Tu n'es même pas digne de nos prières. Jésus, où étais-tu lors de cet incident bête? On te priait, on te criait, ne serais-tu pas un peu rancunier? Cet incident bête, alors on te priait, on te criait, ne serais-tu pas un peu rancunier? Je te laisse te reposer.